dans le passé comme s'il allait revenir. Je suis dans une bulle des pensées que je n'ai pas su retenir. Parfois des non-dits, je m'en veux à moi les choses que je complique seul. J'ai beau tourner les pages, j'essaie de faire de mon mieux, de ne pas compter les pas. Je ne m'aime pas assez, je vais te retenir. Je suis dans le passé, je ne m'appare, je sais que t'es pas sûr de m'appeler. Ces hurlements que tu n'entends pas, c'est toi la poussière sur ma plaie. Je crois que je suis blessé. Parfois je crois que c'est toi la clé. J'aimerais me rappeler que dans le fond tu m'as agressé. Je ne te cache pas qu'à tes côtés, je crois que tout s'allège. Tout mon mal-être, le creux de tes mains si tu savais. J'aime le nier, t'es plus mon ennemi, yeah. Viens me voir me balader, oh yo, lolo. De faire de mon mieux, de ne pas compter les pas. Je ne m'aime pas assez, je vais te retenir. Arrête un peu de faire comme les autres. Oublie la cage dans laquelle tu es. Et le ciel sera tien, faudra sûrement t'y habituer. Je crois que t'es blessé. T'as peut-être besoin d'un coup de main. Tu crois que c'est impossible, mais s'il te plaît, essaie. Oublie le regard des autres, oublie tout le paraître. Tout ce manège, tu te dis heureux, t'en as pas l'air. Je vais pas te laisser. T'es pas mon ennemi, eh. Viens me voir me balader, oui.